Chapitre 9e. Patience. Samueline et William partirent pour la France dans les premiers jours du mois de mars. La première pensée de Patience après leur départ fut celle qui se présente à la plupart des bonnes ménagères en l'absence de leur seigneur et maître, celle de nettoyer la maison, de la cave au grenier, ou, comme le disait malicieusement Anna, de mettre le ménage sens dessus dessous. Elle savait que Patience n'aimait pas l'entendre parler ainsi, aussi le faisait-elle le plus souvent possible. Patience sépara de Grâce, la petite servante qu'elle avait depuis plusieurs années. Grâce avait résolu de se marier. En vain, Patience l'assurait que le mariage, généralement parlant, ne valait pas mieux qu'un lit de ronces et d'épines. Grâce ne voulait pas l'écouter. D'autres avant elle avaient risqué ce lit d'épines. Elle voulait en faire autant. Patience n'eut d'autre ressource que de chercher une nouvelle servante, et la chose n'étant pas aisée, car elle était difficile à contenter. En attendant, elle engagea une pauvre femme de sa secte, Esther Dell, à venir demeurer momentanément chez elle. Esther vivait avec sa vieille mère et gagnait sa vie en travaillant à l'aiguille ou en faisant quelques ménages chez des amis. Elle accepta l'offre de Patience et se disposa à regarder comme un temps de vacances le séjour de 2 ou 3 mois qu'elle allait faire chez Musseline. « Il est inutile de commencer avant que Grâce soit partie », fit observer Patience à Anna. Elle arracha le papier des murailles tant elle a la tête à l'envers maintenant. « Que ce serait amusant si elle le faisait !» s'écria Anna. « Amusant pour toi, peut-être. Qu'ignore ce que c'est que la peine, commanda Patience. J'attendrai que Grâce soit loin. Le jour où elle s'en ira, Esther viendra et nous commençons le jour suivant. » « Ne pourras-tu pas commencer le même jour ?» demanda malicieusement Anna. « Veux-tu bien t'occuper de ta couture ?» repartit sèchement Patience. « Les poignets de ces chemises ne se finiront pas avec tes bêtises. » « Est-ce que je serai renvoyée de ma chambre ?» recommença Anna. « Pour une nuit peut-être. Tu pourras aller dans celle de ton père, mais nous mettrons en ordre d'abord le haut de la maison. Est-ce que vous frotterez aussi le toit ?»« J'aimerais mieux voir comment Esther pourra s'y tenir en le lavant. » »« Tu es ce matin dans un de tes accès de méchanceté. Est-ce que tu vas me mettre au défi maintenant que ton père a tourné le dos ?»« Qui est-ce qui te parle de mettre au défi, Patience ? J'ai dit seulement que j'aimerais bien voir Esther sur le toit. » « Tu ferais mieux d'être sage, » répliqua Patience, et Anna éclatait de rire. Grâce partit et Esther vint la remplacer. C'était une petite femme d'une 40aine d'années, aux cheveux bruns, aux dents tremblotantes. Patience tint parole, et le lendemain matin, le grenier fut envahi par les laveuses. La maison était disposée de la même manière que celle de Madame Halliburton, seulement le grenier de celle du Quaker avait été divisé en 2 chambres, habitées l'une par Patience, l'autre par Grâce. Les 3 chambres à coucher du premier étaient occupées, l'une par Musseline, l'autre par Anna, la 3e par les visiteurs quand il en venait. La maison appartenait à Musseline. Il avait autrefois possédé les 2 habitations, mais à l'époque de ses malheurs, il avait vendu la seconde à Monsieur Ashley. Les ablutions commencèrent. Esther, balai, brosse et seau en main s'occupaient des chambres du haut. Anna avait l'air d'être à son ouvrage, mais les poignets ne jouaient guère. Elle chantait tout bas, la porte fermée. Patience, l'œil à tout, exerçait une surveillance générale. Tout à coup, un bruit pareil à celui d'une chute et un cri perçant résonnèrent dans la maison. Anna monta en courant, Esther descendit à la hâte. Au pied de l'escalier du grenier, la tête appuyée contre la porte de la chambre d'Anna, Patience était étendue sur le plancher. En essayant de transporter un lourd bois de lit hors de sa chambre, elle était tombée sous son fardeau. « Est-ce que la maison va crouler ?» demandait Anna, mais elle s'arrêta consternée à la vue de Patience qu'Esther s'efforçait de relever. « Tu ne peux pas me lever, Esther. Anna, mon enfant, ne me touche pas. Je crois que je me suis. » Sa voix s'éteignit, ses yeux se fermèrent et une pâleur livide couvrit sa figure. Anna, épouvantée, courut chez Madame Halliburton. Dobbs, de sa cuisine, l'aperçut les yeux en larmes. Elle entendit ses cris et s'avança. « Qu'est-ce qu'il y a donc ? » s'écria-t-elle. Anna s'attacha à Dobbs comme pour se protéger contre sa propre terreur. « Oh, Dobbs, bien vite vers Patience, je crois qu'elle va mourir !» s'écria tirèrent Jane. Dobbs courait déjà vers Patience. Jane la suivit sans rien comprendre. Patience reprenait connaissance quand elles entrèrent. Elle suppliait qu'on ne la touchât pas. Une de ses jambes était repliée sous elle. Jane était convaincue qu'elle se l'était cassée. « Qui peut courir le plus vite ? » dit-elle. « Il faut appeler Monsieur Parry. » Esther n'attendit pas un instant. Elle prit son vieux châle et son chapeau gris et partit, achevant sa toilette tout en courant. Anne sanglotant, se cachant la figure dans le sein de Jane comme un enfant qui vient d'être consolé. Puis, tout à coup, elle se jeta sur le plancher à côté de Patience, lui mouillant la figure de ses larmes. « Patience, ma bonne Patience, peux-tu me pardonner? J'étais méchante et entêtée, mais je n'ai jamais voulu te faire de la peine, j'ai seulement voulu te chicaner, je t'ai toujours aimée. » Patience, toute souffrance qu'elle était, attira contre elle la petite repentante et l'embrassa tendrement. « Je le sais bien, ma chère enfant, je te connais, ne te désole pas. » Mais ce pari arriva. Patience fut relevée, transportée dans la chambre à coucher, elle s'était cassée la jambe. Le grand projet de lessivage était donc anéanti. Patience dut rester dans son lit et Esther fut chargée de la soigner. Au bout d'un jour ou deux, Anna reprit son calme, mais ce pari promettait la guérison avec le temps, disant que le repos le plus absolu était presque le seul remède, et Anna oublia son accès de repentance. Elle était même fort disposée à regarder l'emprisonnement de Patience comme envoyé par une bonne fée qui la prenait sous sa protection. Anna aurait-elle réussi à tromper la vigilance de Patience bien portante? Il est permis d'en douter, mais il lui fut facile de tromper Patience malade. Elle avait dit à Herbert de ne plus revenir, mais Herbert était la dernière personne du monde à suivre un tel conseil. Si William était resté pour les épier, peut-être Herbert n'aurait-il pas essayé de mettre sa surveillance en défaut. En l'absence de William, le champ lui était ouvert. Herbert savait bien que si Mousseline avait vent de sa liaison avec Anna, il mettrait aussitôt arrêt. Une brillante idée l'avait porté à se revêtir d'un manteau pareil à celui de William Halliburton. Il s'était dit que si les yeux de lynx du Quaker apercevaient ce manteau, se promenant par une belle nuit derrière sa maison, il en conclurait que le porteur n'était autre que William, prenant le frais au clair de lune derrière son habitation. En outre, Herbert avait assez retardé ses visites pour être bien assuré que Samuel Lee n'était plus à craindre. Anna était excessivement facile à entraîner. Malgré sa promesse à William, elle consentit à retourner dans le champ d'Atterley. Aussi naïve qu'un enfant, elle ne voyait d'autre mal dans sa conduite que ses sorties clandestines, mais elle se disait que puisque Herbert ne pouvait venir chez elle, il fallait bien qu'elle allât vers lui. Elle l'aimait trop pour ne pas tenir à le revoir. Herbert, de son côté, se plaisait avec Anna. Une heure passée à chuchoter avec elle, à lui détacher son bonnet pour laisser tomber les boucles de sa belle chevelure, à lui caresser la tête en lui répétant qu'il l'aimait plus que tout au monde, était devenue une de ses récréations favorites, et Herbert n'était pas homme à se priver d'une fantaisie. Si quelqu'un lui avait montré le tort moral qu'il pouvait faire à Anna, peut-être aurait-il fait violence à son inclination et rompu avec elle. Malheureusement, personne ne se trouvait là pour lui donner ce conseil. Patience était malade et William, seul au courant de l'affaire, était absent. Que se promettait donc Herbert en attirant ainsi Anna à lui? Il n'en savait rien lui-même. Jamais il n'avait songé à l'avenir, ni pour lui ni pour personne. Quant à épouser Anna, jamais la pensée ne lui en était venue. Au train où Herbert et ses frères y allaient, une femme pour l'un d'entre eux eût été au nombre des impossibilités, à moins qu'elle n'eût consenti à vivre de l'air du temps. Mais quand même Herbert aurait été, pécuniairement parlant, en mesure d'épouser 10 femmes, Anna Lynn n'aurait pas été du nombre. Quelque agrément qu'il trouva à être avec elle, il la regardait comme bien au-dessous de lui, et l'orgueil chez Herbert était toujours très haut monté. Herbert avait été présenté à Anna chez Madame Ashley. Elle faisait partie du respectable corps des Quakers. Sans ces 2 faits, Herbert aurait été beaucoup moins scrupuleux à son égard. Il ne pouvait, il n'osait pas ne pas être respectueux envers elle, mais jamais il n'aurait voulu la prendre pour sa femme. Quant à Samuel Lynn, il aurait préféré voir son enfant couché dans le cercueil que de l'avoir épousé l'un des jeunes d'air. Pour en revenir au moment actuel, Anna avait repris l'habitude de sortir, et elle se mettait l'esprit à la torture pour donner à Esther quelques prétextes plausibles. Esther, Patience est fatigante. Elle veut que je reste à travailler toute la journée et encore la soirée et que je n'aille respirer l'air frais. Elle veut que je m'enferme dans ce salon comme elle dans sa chambre, que je n'aille jamais dans le jardin à la tombée de la nuit, que je n'aille jamais voir les jolis agneaux dans le champ, ni jusqu'à la porte voisine voir Jane Halliburton. C'est une tyrannie. Tu aurais raison si c'était vrai, répondit la simple Esther, mais ne te trompes-tu pas, enfant? Patience paraît au contraire désireuse que tu sortes. Elle m'a dit de t'emmener. C'est cela, elle l'a laissée seule. Comment descendrait-elle avec sa jambe cassée si l'on frappait à la porte? Elle est insupportable, Esther. Elle me guette comme un chat, la souris. Hier au soir, toujours à propos de ses chemises, tu as vu comme elle m'a grondé, elle croit que je ne finirai jamais mon travail. Je pense que oui, au contraire, reprit Esther en jetant les yeux sur l'ouvrage. Ton travail est avancé. Je l'avance beaucoup, j'ai fini les coutures, j'en serai bientôt boutonnière. Que t'a-t-elle dit hier soir? Elle m'a dit, Esther, va au salon voir si Anna n'a pas besoin de lumière. Et je suis venu et je ne t'ai pas trouvé. Alors elle a dit que tu étais toujours chez les voisins, que tu les dérangeais et qu'elle ne te le permettait pas. Tu es arrivé à ce moment-là et elle t'a grondé. Oui, elle m'a grondé, fit Anna d'un ton de ressentiment. Je te répète, Esther, qu'elle est insupportable. Je te donne ma parole que je n'avais pas été chez les Halliburton. J'avais été dans le jardin et dans le champ. J'avais travaillé toute la journée. Non, pas tout à fait, ma chère, interrompit Esther. Ton amie Marie Ashley est venue te voir le matin et tu as eu Sarah Dixon l'après-midi. Eh bien, j'avais travaillé une grande partie de la journée. Je voulais aller prendre l'air. Quel mal y a-t-il là? Aucun, c'est très naturel. Si je n'avais pas mes commissions qui m'en font prendre l'air, j'aimerais bien aussi courir dans le champ quand mon ouvrage est fini. Tout le monde serait comme cela, excepté Patience, reprit Anna. Écoute, Esther, quand elle me demandera, tu n'as pas besoin de lui dire que je suis dehors. Cela ne fait que l'inquiéter. Il n'est pas assez bien pour être agité. Dis-lui que je suis à ma couture. Mais je ne puis pas courir constamment, Esther. Il faut bien que je me repose de temps à autre. Je crois que c'est assez raisonnable, dit Esther en réfléchissant. Je ne lui dirai pas que tu es absente quand tu seras au jardin, car ami Paris a recommandé qu'on la laisse bien tranquille. Elle était ainsi quand j'étais toute petite, Esther, acheva Anna. Elle ne voulait pas me laisser seule au jardin, tant elle avait peur que je mangeasse des groseilles. Mais ce n'est pas la saison des fruits maintenant. C'est parfaitement juste, pensait Esther d'elle. La jeune fille réussit donc à jouir en toute liberté de ses soirées, et à mesure que la saison s'avançait, que les jours du printemps succédaient aux jours froids de l'hiver, Herbert et elle se croyaient mieux à l'abri de toute surprise, et il ne se passait guère de soirée où un œil vigilant ne put les voir dans le champ d'Atterley, bras dessus, bras dessous, à couvert sous la charmille, Herbert causant, Anna rêvant qu'elle était au paradis.